2. Il ramenait en France sa femme Élisabeth et commença par s'établir dans la maison de son frère à Pierry, près d'Épernay. Décidé à ne point retourner à la Martinique, Cazotte et sa femme avaient vendu tous leurs biens au père Lavalette, supérieur de la mission des Jésuites, homme instruit avec lequel il avait entretenu pendant son séjour aux colonies des relations agréables. Celui-ci s'était acquitté en lettres de change sur la compagnie des Jésuites à Paris. Il y en avait pour 50 000 écus. Il les présente, la compagnie les laisse protester. Les supérieurs prétendirent que le père Lavalette s'était livré à des spéculations dangereuses et qu'il ne pouvait reconnaître. Cazotte, qui avait engagé là tout le plus clair de son avoir, se vit réduit à plaider contre ses anciens professeurs, et ce procès, dont souffrit son cœur religieux et monarchique, fut l'origine de tous ceux qui fondirent ensuite sur la société de Jésus et en amenèrent la ruine. Ainsi commençaient les fatalités de cette existence singulière. Il n'est pas douteux que dès lors, ses convictions religieuses plièrent de certains côtés. Le succès du poème d'Olivier l'encourageait à continuer d'écrire. Il fit paraître le Diable amoureux. Cet ouvrage est célèbre à divers titres. Il brille entre ceux de Cazotte par le charme et la perfection des détails, mais il les surpasse tous par l'originalité de la conception. En France, à l'étranger surtout, ce livre a fait école et a inspiré bien des productions analogues. Le phénomène d'une telle œuvre littéraire n'est pas indépendant du milieu social où il se produit. L'Âne d'or d'Apulée, livre également empreint de mysticisme et de poésie, nous donne dans l'Antiquité le modèle de ces sortes de créations. Apulée, l'initié du culte d'Isis, l'illuminé païen, à moitié sceptique, à moitié crédule, cherchant sous les débris des mythologies qui s'écroulent les traces de superstitions antérieures ou persistantes, expliquant la fable par le symbole et le prodige par une vague définition des forces occultes de la nature, puis un instant après se raillant lui-même de sa crédulité, ou jetant çà et là quelques traits ironiques qui déconcertent le lecteur prêt à le prendre au sérieux. C'est bien le chef de cette famille d'écrivains qui parmi nous peut encore compter glorieusement l'auteur de Smara, ce rêve de l'Antiquité, cette poétique réalisation des phénomènes les plus frappants du cauchemar. Beaucoup de personnes n'ont vu dans le Diable amoureux qu'une sorte de conte bleu, pareil à beaucoup d'autres du même temps et digne de prendre place dans le cabinet des fées. Tout au plus, l'eussent-elles rangé dans la classe des contes allégoriques de Voltaire. C'est justement comme si l'on comparait l'œuvre mystique d'Apulée aux facéties mythologiques de Lucien. L'Âne d'or servit longtemps de thème aux théories symboliques des philosophes alexandrins. Les chrétiens, eux-mêmes, respectaient ce livre, et saint Augustin le cite avec déférence comme l'expression poétisée d'un symbole religieux. Le Diable amoureux aurait quelques droits aux mêmes éloges, et marque un progrès singulier dans le talent et la manière de l'auteur. Ainsi cet homme, qui fut d'abord un poète gracieux de l'école de Marot et de La Fontaine, puis un conteur naïf, épris tantôt de la couleur des vieux fabliaux français, tantôt du vif chatoiement de la fable orientale, mise à la mode par le succès des Mille et Une Nuits, suivant après tout les goûts de son siècle plus que sa propre fantaisie, le voilà qui s'est laissé aller au plus terrible danger de la vie littéraire, celui de prendre au sérieux ses propres inventions. Ce fut, il est vrai, le malheur et la gloire des plus grands auteurs de cette époque. Ils écrivaient avec leur sang, avec leurs larmes. Ils trahissaient sans pitié au profit d'un public vulgaire les mystères de leur esprit et de leur cœur. Ils jouaient leur rôle au sérieux, comme ces comédiens antiques qui tachaient la scène d'un sang véritable pour les plaisirs du peuple roi. Mais qui se serait attendu dans ce siècle d'incrédulité, où le clergé lui-même a si peu défendu ses croyances, à rencontrer un poète que l'amour du merveilleux, purement allégorique, entraîne peu à peu au mysticisme, le plus sincère et le plus ardent. Les livres traitant de la cabale et des sciences occultes inondaient alors les bibliothèques. Les plus bizarres spéculations du Moyen-Âge ressuscitaient sous une forme spirituelle et légère, propre à concilier à ces idées rajeunies la faveur d'un public frivole, à demi impie, à demi crédule, comme celui des derniers âges de la Grèce et de Rome. L'abbé de Villars, Dom Pernetti, le marquis d'Argence, popularisaient les mystères de l'Oedipus, Égypte-Quiatus, et les savantes rêveries des néo-platoniciens de Florence. Pic de la Mirandole et Marcy le Ficin renaissaient tout emprunt de l'esprit musqué du XVIIIe siècle dans le conte de Gabalis, les lettres kabbalistiques et autres productions de philosophie transcendante, à la portée des salons. Aussi ne parlait-on plus que d'esprits élémentaires, de sympathies occultes, de charmes, de possessions, de migration des âmes, d'alchimie et de magnétisme surtout. L'héroïne du diable amoureux n'est autre qu'un de ces lutins bizarres que l'on peut voir décrits à l'article Incube ou Succube dans Le Monde enchanté de Becker. Le rôle un peu noir que l'auteur fait jouer en définitive à la charmante Biondetta suffirait à indiquer qu'il n'était pas encore initié à cette époque au mystère des kabbalistes ou des illuminés, lesquels ont toujours soigneusement distingué les esprits élémentaires, sylphes, gnomes, ondins ou salamandres, des noirs suppôts de Belzébuth. Pourtant, l'on raconte que peu de temps après la publication du Diable amoureux, Cazotte reçut la visite d'un mystérieux personnage, au maintien grave, aux traits amaigris par l'étude, et dont un manteau brun drapait la stature imposante. Il demanda à lui parler en particulier, et quand on les eut laissés seuls, l'étranger aborda Cazotte avec quelques signes bizarres, tels que les initiés en emploi pour se reconnaître entre eux. Cazotte, étonné, lui demanda s'il était muet, et le pria d'expliquer mieux ce qu'il avait à dire. Mais l'autre changea seulement la direction de ses signes, et se livra à des démonstrations plus énigmatiques encore. Cazotte ne put cacher son impatience. « Pardon, monsieur, lui dit l'étranger, mais je vous croyais des nôtres et dans les plus hauts grades. »« Je ne sais ce que vous voulez dire, répondit Cazotte. Et sans cela, où donc auriez-vous puisé les pensées qui dominent dans votre diable amoureux? Dans mon esprit, s'il vous plaît. Quoi? Ces évocations dans les ruines? Ces mystères de la cabale? Ce pouvoir occulte d'un homme sur les esprits de l'air? Ces théories si frappantes sur le pouvoir des nombres? Sur la volonté? Sur la fatalité de l'existant? Vous auriez imaginé toutes ces choses? J'ai lu beaucoup, mais sans doctrine, sans méthode particulière. Et vous n'êtes pas même franc-maçon? Pas même cela. Eh bien, monsieur, soit par pénétration, soit par hasard, vous avez pénétré les secrets qui ne sont accessibles qu'aux initiés de premier ordre, et peut-être serait-il prudent désormais de vous abstenir de pareilles révélations. Quoi, j'aurais fait cela? S'écria Cazotte effrayé, moi qui ne songeais qu'à divertir le public, et à prouver seulement qu'il fallait prendre garde au diable. Et qui vous dit que notre science ait quelque rapport avec cet esprit des ténèbres? Telle est pourtant la conclusion de votre dangereux ouvrage. Je vous ai pris pour un frère infidèle, qui trahissait nos secrets par un motif que j'étais curieux de connaître. Et puisque vous n'êtes en effet qu'un profane ignorant de notre but suprême, je vous instruirai, je vous ferai pénétrer plus avant dans les mystères de ce monde des esprits qui nous presse de toutes parts, et qui, par l'intuition seule, s'est déjà révélé à vous. » Cette conversation se prolongea longtemps. Les biographes varient sur les termes, mais tous s'accordent à signaler la subite révolution qui se fit dès lors dans les idées de Cazotte, adepte sans le savoir, d'une doctrine dont il ignorait qu'il existât encore des représentants. Il avoua qu'il s'était montré sévère dans son diable amoureux pour les kabbalistes, dont il ne concevait qu'une idée fort vague, et que leur pratique n'était peut-être pas aussi condamnable qu'il l'avait supposé. Il s'accusa même d'avoir un peu calomnié ces innocents esprits qui peuplent et animent la région moyenne de l'air, en leur assimilant la personnalité douteuse d'un lutin femelle qui répond au nom de Belzébuth. « Songez, lui dit l'initié, que le père Kircher, l'abbé de Villars et bien d'autres casuistes ont démontré depuis longtemps la parfaite innocence de ces esprits, au point de vue chrétien. Les capitulaires de Charlemagne en faisaient mention, comme d'êtres appartenant à la hiérarchie céleste. Platon et Socrate, les plus sages des Grecs, Origène, Eusèbe et saint Augustin, ces flambeaux de l'Église, s'accordaient à distinguer le pouvoir des esprits élémentaires de celui des fils de l'abîme. Il n'en fallait pas tant pour convaincre Cazotte, qui, comme on le verra, devait plus tard appliquer ses idées, non plus à ses livres, mais à sa vie, et qui s'en montra convaincu jusqu'à ses derniers moments. Cazotte dut être d'autant plus porté à réparer la faute qui lui était signalée, que ce n'était pas peu de chose alors que d'encourir la haine des illuminés, nombreux, puissants, et divisés en une foule de sectes, sociétés et loges maçonniques, qui se correspondaient d'un bout à l'autre du royaume. Cazotte, accusé d'avoir révélé aux profanes les mystères de l'initiation, s'exposait au même sort qu'avait subi l'abbé de Villars, qui, dans le conte de Gabalis, s'était permis de livrer à la curiosité publique, sous une forme à demi sérieuse, toute la doctrine des Rose-Croix sur le monde des esprits. Cet ecclésiastique fut trouvé un jour assassiné sur la route de Lyon, et l'on ne put accuser que les sylphes ou les gnomes de cette expédition. Cazotte opposa d'ailleurs d'autant moins de résistance au conseil de l'initié qu'il était naturellement très porté à ces sortes d'idées. Le vague, que des études faites sans méthode répandaient dans sa pensée, le fatiguait lui-même, et il avait besoin de se rattacher à une doctrine complète. Celle des martinistes, au nombre desquels il se fit recevoir, avait été introduite en France par Martinez Pascalis. Il renouvelait simplement l'institution des rites cabalistiques du XIe siècle, dernier écho de la formule des gnostiques où quelque chose de la métaphysique juive se mêle aux théories obscures des philosophes alexandrins. L'école de Lyon, à laquelle appartenait dès lors Cazotte, professait, d'après Martinez, que l'intelligence et la volonté sont les seules forces actives de la nature, d'où il suit que pour en modifier les phénomènes, il suffit de commander fortement et de vouloir. Elle ajoutait que par la contemplation de ses propres idées et l'abstraction de tout ce qui tient au monde extérieur et au corps, l'homme pouvait s'élever à la notion parfaite de l'essence universelle et à cette domination des esprits dont le secret était contenu dans la triple contrainte de l'enfer, conjuration toute puissante à l'usage des kabbalistes du Moyen-Âge. Martinez, qui avait couvert la France de loges maçonniques selon son rite, était allé mourir à Saint-Domingue. La doctrine ne put se conserver pure et se modifia bientôt en admettant les idées de Swedenborg et de Jacob Boehm, qu'on eut de la peine à réunir dans le même symbole. Le célèbre Saint Martin, l'un des néophytes les plus ardents et les plus jeunes, se rattacha particulièrement aux principes de ce dernier. À cette époque, l'école de Lyon s'était fondue déjà dans la société des Philalètes, où Saint Martin refusa d'entrer, disant qu'il s'occupait plus de la science des âmes, d'après Swedenborg, que de celle des esprits, d'après Martinez. Plus tard, parlant de son séjour parmi les illuminés de Lyon, cet illustre théosophe disait « Dans l'école où j'ai passé il y a 25 ans, les communications de tout genre étaient fréquentes. J'en ai eu ma part, comme beaucoup d'autres. Les manifestations du signe du réparateur y étaient visibles. J'y avais été préparé par des initiations. Mais, ajoute-t-il, le danger de ces initiations est de livrer l'homme à des esprits violents. Et je ne puis répondre que les formes qui se communiquaient à moi ne fussent pas des formes d'emprunt. Le danger que redoutait Saint Martin fut précisément celui où se livra Cazotte, et qui causa peut-être les plus grands malheurs de sa vie. Longtemps encore, ses croyances furent douces et tolérantes, ses visions riantes et claires. Ce fut dans ces quelques années qu'il composa de nouveaux contes arabes, qui, longtemps confondus avec les mille et une nuits dont il formait la suite, n'ont pas valu à leur auteur toute la gloire qu'il en devait retirer. Les principaux sont la dame inconnue, le chevalier, l'ingrat puni, le pouvoir du destin, Si Mustapha, le calife voleur, qui a fourni le sujet du calife de Bagdad, l'amant des étoiles et le magicien, ou Mograbi, ouvrage plein de charme descriptif et d'intérêt. Ce qui domine dans ses compositions, c'est la grâce et l'esprit des détails. Quant à la richesse de l'invention, elle ne le cède pas aux contes orientaux eux-mêmes, ce qui s'explique en partie d'ailleurs par le fait que plusieurs sujets originaux avaient été communiqués à l'auteur par un moine arabe nommé Dom Chavis. La théorie des esprits élémentaires, si chère à toute imagination mystique, s'applique également, comme on sait, aux croyances de l'Orient. Il est pâle fantôme perçu dans les brumes du Nord, au prix de l'hallucination et du vertige, semble se teindre là-bas des feux et des couleurs d'une atmosphère splendide et d'une nature enchantée. Dans son conte du chevalier, qui est un véritable poème, Cazotte réalise surtout le mélange de l'invention romanesque et d'une distinction des bons ou des mauvais esprits, savamment renouvelés des kabbalistes de l'Orient. Les génies lumineux, soumis à Salomon, livrent force combat à ceux de la suite d'Eblis. Les talismans, les conjurations, les anneaux constellés, les miroirs magiques, tout cet enchevêtrement merveilleux des fatalistes arabes, si nous et si dénoue avec ordre et clarté. Le héros a quelques traits de l'initié égyptien du roman de Sétos, qui alors obtenait un succès prodigieux. Le passage où il traverse à travers mille dangers la montagne de Kaf, palais éternel de Salomon, roi des génies, est la version asiatique des épreuves d'Isis. Ainsi, la préoccupation des mêmes idées apparaît encore sous les formes les plus diverses. Ce n'est pas à dire qu'un grand nombre des ouvrages de Cazotte n'appartiennent à la littérature ordinaire. Il eut quelques réputations comme fabuliste, et dans la dédicace qu'il fit de son volume de fables à l'Académie de Dijon, il eut soin de rappeler le souvenir d'un de ses aïeux, qui du temps de Marot et de Ronsard, avait contribué au progrès de la poésie française. À l'époque où Voltaire publiait son poème intitulé « La guerre de Genève », Cazotte eut l'idée plaisante d'ajouter au premier chant du poème inachevé un septième chant, écrit dans le même style et que l'on crut de Voltaire lui-même. Nous n'avons pas parlé de ces chansons qui portent l'empreinte d'un esprit tout particulier. Rappellerons-nous la plus connue, intitulée « Ô mai, joli mai, ô mai, joli mois de mai ». Pour le premier jour de mai, soyez bien réveillés. Je vous apporte un bouquet, tout de giroflées, un bouquet cueilli, tout frais, tout plein de rosée. Tout continue sur ce ton. C'est une délicieuse peinture d'éventail qui se déploie avec les grâces naïves et maniérées tout à la fois du bon vieux temps. Pourquoi ne citerions-nous pas encore la charmante ronde, toujours vous aimée, et surtout la villanelle si gaie, dont voici quelques couplets. Que de mots souffert vivant dans vos fers, Thérèse. Que de mots souffert vivant dans vos fers, si vers les genoux mes bas ont des trous, Thérèse. À vos pieds je les fis tous, ainsi qu'on se prenne à vous, si vers les genoux, etc. Et mes 500 francs, que j'avais comptant, Thérèse, il n'en reste pas si blanc, et qui me rendra mon temps, et mes 500 francs, etc. Vous avez 20 ans et 1000 agréments, Thérèse, mais aucun de vos amants ne vous dira dans 20 ans, vous avez 20 ans, etc. Nous avons dit que l'opéra comique devait à Cazotte le sujet du calife de Bagdad. Son diable amoureux fut représenté aussi sous cette forme avec le titre de l'infante de Zamora. Ce fut à ce sujet sans doute qu'un de ses beaux-frères, qui était venu passer quelques jours à sa campagne de Pierry, lui reprochait de ne point tenter le théâtre, et lui vantait les opéras bouffons comme des ouvrages d'une grande difficulté. « Donnez-moi un mot, dit Cazotte, et demain j'aurai fait une pièce de ce genre, à laquelle il ne manquera rien. » Le beau-frère voit entrer un paysan avec des sabots. « Eh bien, sabots, s'écria-t-il, faites une pièce sur ce mot-là. » Cazotte demanda à rester seul. Mais un personnage singulier, qui justement faisait partie ce soir-là de la réunion, s'offrit à faire la musique à mesure que Cazotte écrirait l'opéra. C'était Rameau, le neveu du grand musicien dont Diderot a raconté la vie fantasque dans ce dialogue, qui est un chef-d'œuvre et la seule satire moderne qu'on puisse opposer à celle de Pétrone. L'opéra fut fait dans la nuit, adressé à Paris, et représenté bientôt à la Comédie italienne, après avoir été retouché par Marsollier et Duny, qui y daignèrent mettre leur nom. Cazotte n'obtint pour droit d'auteur que ses entrées, et le neveu de Rameau, ce génie incompris, demeura obscur comme par le passé. C'était bien d'ailleurs le musicien qu'il fallait à Cazotte, qui a dû sans doute bien des idées étranges à ce bizarre compagnon. Le portrait qu'il en fait dans sa préface de la seconde Raméide, poème héroïque-comique, composé en l'honneur de son ami, mérite d'être conservé, autant comme un morceau de style que comme une note utile à compléter la piquante analyse morale et littéraire de Diderot. C'est l'homme le plus plaisant par nature que j'ai connu. Il s'appelait Rameau, était neveu du célèbre musicien, avait été mon camarade au collège, y avait pris pour moi une amitié qui ne s'est jamais démentie, ni de sa part ni de la mienne. Ce personnage, l'homme le plus extraordinaire de notre temps, était né avec un talent naturel, de plus d'un genre, que le défaut d'assiette de son esprit ne lui permit jamais de cultiver. Je ne puis comparer son genre de plaisanterie qu'à celui que déploie le docteur Stern dans son voyage sentimental. Les saillies de Rameau étaient des saillies d'instinct d'un genre si particulier, qu'il est nécessaire de les peindre pour essayer de les rendre. Ce n'était point de bons mots, c'était des traits qui semblaient partir de la plus profonde connaissance du cœur humain. Sa physionomie, qui était vraiment burlesque, ajoutait un piquant extraordinaire à ses saillies, d'autant moins attendu de sa part que d'habitude il ne faisait que déraisonner. Ce personnage né musicien, autant et plus peut-être que son oncle, ne put jamais s'enfoncer dans les profondeurs de l'art. Mais il était né plein de chants et avait l'étrange facilité d'en trouver, impromptu, de l'agréable et de l'expressif sur quelques paroles qu'on voulut lui donner. Seulement, il eût fallu qu'un véritable artiste eût arrangé et corrigé ses phrases et composé ses partitions. Il était de figure aussi horriblement que plaisamment laid, très souvent ennuyeux, parce que son génie l'inspirait rarement. Mais si sa verve le servait, il faisait rire jusqu'aux larmes. Il vécut pauvre, ne pouvant suivre aucune profession. Sa pauvreté absolue lui faisait honneur dans mon esprit. Il n'était pas absolument sans fortune, mais il eut fallu dépouiller son père du bien de sa mère, et il se refusa à l'idée de réduire à la misère l'auteur de ses jours, qui s'était remarié et avait des enfants. Il a donné dans plusieurs autres occasions des preuves de la bonté de son cœur. Cet homme singulier vécut passionné pour la gloire, qu'il ne pouvait acquérir dans aucun genre. Il est mort dans une maison religieuse où sa famille l'avait placé, après 4 ans de retraite qu'il avait prise en gré et ayant gagné le cœur de tous ceux qui d'abord n'avaient été que ses geôliers. Les lettres de Cazotte sur la musique, dont plusieurs sont des réponses à la lettre de Jean-Jacques Rousseau sur l'opéra, se rapportent à cette légère incursion dans le domaine lyrique. La plupart de ses écrits sont anonymes et ont été recueillis depuis comme pièces diplomatiques de la guerre de l'opéra. Quelques-unes sont certaines, d'autres douteuses. Nous serions bien étonnés, s'il fallait ranger parmi ces dernières, le petit prophète de Bohmisch Broda, fantaisie attribuée à Grimm, qui compléterait au besoin l'analogie marquée de Cazotte et d'Hoffmann. C'était encore la belle époque de la vie de Cazotte. Voici le portrait qu'a donné Charles Nodier de cet homme célèbre qu'il avait vu dans sa jeunesse. À une extrême bienveillance qui se peignait dans sa belle et heureuse physionomie, à une douceur tendre que ses yeux bleus, encore fort animés, exprimaient de la manière la plus séduisante, M. Cazotte joignait le précieux talent de raconter mieux qu'homme du monde des histoires tout à la fois étranges et naïves, qui tenaient de la réalité la plus commune par l'exactitude des circonstances et de la féerie par le merveilleux. Il avait reçu de la nature un don particulier pour voir les choses sous leur aspect fantastique, et l'on sait si j'étais organisé de manière à jouer avec délice de ce genre d'illusions. Aussi, quand un pas grave se faisait entendre à intervalles égaux sur les dalles de l'autre chambre, quand sa porte s'ouvrait avec une lenteur méthodique et laissait percer la lumière d'un falot porté par un vieux domestique moins ingambe que le maître, et que M. Cazotte appelait gaiement son pays, quand M. Cazotte paraissait lui-même avec son chapeau triangulaire, sa longue redingote de camelot vert brodée d'un petit galon, ses souliers à bout carré fermés très avant sur le pied par une forte agrafe d'argent et sa haute canne à pomme d'or, je ne manquais jamais de courir à lui avec les témoignages d'une joie folle qui était encore augmentée par ses caresses. Charles Nodier met ensuite dans sa bouche un de ces récits mystérieux qu'il se plaisait à faire dans le monde et qu'on écoutait avidement. Il s'agit de la longévité de Marion Delorme, qu'il disait avoir vu quelques jours avant sa mort, âgée de près d'un siècle et demi, ainsi que semble le constater d'ailleurs son acte de baptême et son acte mortuaire conservé à Besançon. En admettant cette question fort controversée de l'âge de Marion Delorme, Cazotte pouvait l'avoir vu, étant âgé de 21 ans. C'est ainsi qu'il disait pouvoir transmettre des détails inconnus sur la mort de Henri IV, à laquelle Marion Delorme avait pu assister. Mais le monde était plein alors de ces causeurs amis du merveilleux. Le comte de Saint-Germain et Cagliostro tournaient toutes les cervelles, et Cazotte n'avait peut-être de plus que son génie littéraire et la réserve d'une honnête sincérité. Si pourtant nous devons ajouter foi à la prophétie célèbre rapportée dans les mémoires de la Harpe, il aurait joué seulement le rôle fatal de Cassandre, et n'aurait pas eu tort, comme on le lui reprochait d'être toujours sur le trépied.